RQC. Il est 9h. Living in the Past. Le meilleur du classique. Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the Past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go! Amis du rock, bonjour, bienvenue sur les ondes d'RQC en ce lundi 11 décembre. Merci de nous accueillir chez vous ou au bureau ou sur votre chantier. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver tous les lundis matins, comme c'est le cas depuis plus d'un an et demi maintenant. Et à moins d'avoir passé la semaine écoulée sur la planète Mars, vous avez appris comme moi avec tristesse et émotion le décès de Johnny Hallyday. Et depuis l'annonce de sa mort, les médias n'ont cessé de nous faire revivre les grands moments de la vie et de la carrière, d'une carrière longue de près de 60 ans, de notre ami Jean-Philippe Smet. Comme beaucoup de ses fans l'ont souligné, avec sa disparition, c'est un peu de notre vie qui a foutu le camp. Et les hasards du calendrier en font qu'aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui, j'avais prévu de poursuivre l'évocation, de retracer les débuts du rock'n'roll en France et par là même de la carrière, les débuts de la carrière de Johnny, de l'influence formidable qu'il a eue sur toute une génération d'artistes. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'on pouvait entamer ce sujet et ce nouveau numéro de votre émission « Living in the Past » avec ce titre mythique, significatif de la discographie de Johnny, à savoir le bon temps du rock'n'roll. Le bon temps du rock'n'roll, c'était une reprise d'un titre de Bob Seger. Ce sera l'unique tube de l'album Hollywood de 1979. Une chanson qui, au fil des années, des spectacles, va s'imposer comme un des incontournables de Johnny Hallyday. Et il faut savoir que cette chanson avait d'abord été repérée par Sylvie, alors son épouse à la villa. La faisant sienne, Johnny lui coupa l'herbe sous le pied. Peut-être, pour la circonstance, s'est-il souvenu que quelques années auparavant, Sylvie Vartan lui avait, elle aussi, grillé la politesse avec son titre « Par amour et par pitié » qui avait initialement été écrite pour lui. Mais revenons à nos moutons. La semaine dernière, nous nous sommes souvenus que ce sont Richard Anthony, Daniel Gérard qui les premiers ont adapté les standards du rock'n'roll en français. Mais ceux-ci ne garderont pas longtemps ce premier rôle. Quoique n'ayant jamais vécu aux États-Unis, c'est Johnny Hallyday, un jeune homme d'à peine 18 ans, qui popularisera le mieux le rock'n'roll en France. Il sera aussi un ambassadeur exceptionnel du mythe et du rêve américain. On le sacrera d'ailleurs l'Elvis Presley français. Pourtant, au départ, tout ne fut pas simple pour lui avant d'accéder au statut de vedette et de devenir l'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette, quand s'éteignent les projecteurs, soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, oui le spectacle terminé, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Et Johnny Hallyday, alias Jean-Philippe Smet, a débuté sa carrière avec le soutien de ses proches, notamment celui de Lee Hallyday, son papa de cœur, celui avec qui le jeune garçon en manque d'une figure paternelle a grandi. Lee Hallyday, ce sera son premier producteur. Le chanteur a d'ailleurs repris son nom pour la scène. Johnny Hallyday, ça vient de là. Convaincu que le rock'n'roll peut s'imposer en France, Lee Hallyday fera parvenir d'Amérique des disques de rock qui permettront à Johnny de faire son apprentissage de rocker. Il deviendra même, dans le même temps, possesseur d'une collection de disques alors totalement inconnue en France. Eddie Mitchell affirmera à ce propos, Johnny avait beaucoup de disques américains qu'on ne pouvait pas acheter en Europe. Ce qui me permettait d'écouter tout ce que je ne pouvais pas écouter autrement. Si bien qu'on passait souvent des après-midi, des soirées à écouter Presley, Bill Haley et des tas d'autres trucs qui n'étaient pas encore disponibles chez nous. Et à partir de 1958, Johnny fréquentera ce qui bientôt allait devenir le lieu culte du rock français, à savoir le Golf Drouot, dont Henri Leproux était le directeur. Et c'est là qu'il retrouvera d'autres copains, futurs confrères et aussi concurrents. On pense à Long Chris, Danny Logan, Jack Dutronc, Eddie Mitchell et bien d'autres. Sur le tremplin, s'inspirant de ses idoles, il chante des reprises et des adaptations françaises du répertoire américain en s'accompagnant à la guitare. Accompagné par Philippe Duval, son premier guitariste, il cherchera à se produire dans divers clubs, mais partout, malheureusement, le scénario sera identique. On le refusera ou il sera tout simplement remercié. Il obtiendra pourtant ses premiers contrats publics et succès publics en chantant pour les G.I.s dans les bases américaines. Et le 30 décembre 1959, participera à l'émission de radio Paris Cocktail de Pierre Mendelssohn. Pas le compositeur, bien entendu, avec en vedette une chanteuse française, Colette Renard. Et à cette occasion, il sera remarqué par Gilles et Yann, deux auteurs-compositeurs enthousiasmés par sa prestation. Et ceux-ci, d'ailleurs, le présentèrent à Jack Wolfson de la maison de disques Vogue. Et c'est ainsi que le 16 janvier 1960, Johnny signait un contrat avec Vogue. Et son premier disque, ce sera un super 45 tours. Ben oui, à l'époque, les 45 tours pouvaient aussi contenir 4 titres, pardon, on dirait maintenant un IP. Et sur la pochette, son nom est par erreur orthographié avec 2 Y, graphie qui sera dorénavant et définitivement adoptée. T'aimer follement en sera la chanson promue. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi des yeux trop doux. Et de t'aimer et follement, mon amour. De t'aimer et follement, je te jure. Ça n'est pas gentil, mais ça m'est égal. Je me moque de ce qu'on dit, car moi je trouve que c'est normal. De t'aimer et follement. À chaque instant que tout peut m'arriver, mais mon cœur ne peut changer, il sera toujours vraiment content. De t'aimer est follement mon amour, de t'aimer est follement mon séjour. Un jour si tu veux, on peut partir tous deux, partir en se moquant de ceux qui ont rage en nous voyant. T'aimer est follement mon amour, t'aimer est amoureux, rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse à t'aimer et follement mon amour, à t'aimer et follement mon séjour. Mais à l'époque, entre les radios et Johnny, ce n'était pas le fol amour. Et celle-ci est l'accueil du disque et des prestations radiophoniques de Johnny seront jugées très défavorables, voire franchement hostiles. En effet, Johnny provoquera à l'époque un choc de génération. Les auditeurs réclamaient plutôt de la chanson française, voire de la chanson d'opérette. Et Johnny venait avec le rock'n'roll. Et seule l'émission « Salut les copains » quotidiennement programmée sur Europe numéro 1 faisait figure d'exception. Et dès l'apparition du disque, le chanteur sera largement soutenu par les présentateurs de l'époque, Daniel Filipacchi et Franck Thénault. Et en avril 1961, le chanteur obtiendra son premier contrat professionnel. Parrainé par Lynn Renault, il fera sa première télé dans l'école des vedettes d'Aimé Mortimer. Elle le présentera comme un chanteur d'origine franco-américaine. Et ce n'est qu'un peu plus tard, sur les conseils d'ailleurs de Charles Aznavour, que Johnny rétablira la vérité sur ce demi-mensonge. Il chantera « Laisse les filles » en jouant de la guitare tout en se roulant par terre, ce qui une nouvelle fois défraiera la chronique, mais aussi dopera les ventes du disque qui, de 30 000 exemplaires déjà vendus, passera en quelques jours à 100 000. « Laisse les filles ». Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles, oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère crie plus belle. Laisse les filles, oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles. Avec Claude hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté, lorsque ma mère s'est ranimée. Laisse les filles, oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. Allez, va. J'ai mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Et ce sera Souvenir, Souvenir qui sera le véritable premier succès de l'artiste. Et ce titre paraîtra sur un nouveau 45 tours sorti en juin de la même année, c'est-à-dire en juin 1961. Et son impresario de l'époque, Georges Leroux, lui décrochera de nombreux galas. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mes des fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Et Johnny sera alors engagé en première partie de la tournée de Sacha Distel avant de se produire durant l'été au casino de Juan-les-Pins. Et durant cette tournée, on assistera au premier mouvement de foule. Ses prestations sont en effet marquées par de nombreuses mini-émeutes émaillées de multiples dégradations commises par ses admirateurs. Et la presse, unanimement hostile, parla alors d'hystérie collective pour dépeindre l'ambiance de ces galas. Et en septembre, durant trois semaines, à l'Alhambra, il est programmé en vedette américaine de Raymond DeVos, l'humoriste né à Moucron, et son jeu de scène divisera une fois de plus le public. Au balcon, si les plus jeunes sont enthousiastes et le lui font savoir avec véhémence, en revanche, au parterre, les aînés, indignés, le tollé est tel que la direction de l'Alhambra menace même de supprimer Johnny de l'affiche. Mais Raymond DeVos s'y opposera et à l'idée terminera son engagement comme prévu. Après le succès de Souvenir, Souvenir, sortiront coup sur coup un troisième 45 tours et un premier 33 tours 25 cm. Ils n'étaient pas encore à 33 cm, intitulé Hello Johnny. Mais en novembre, le chanteur se produira plusieurs jours à l'Alcazar de Marseille où il confirmera son succès naissant avant de s'imposer à Monte Carlo. Et autour de Johnny Hallyday, le 24 février 1961 sera organisé le premier festival international de rock au Palais des Sports de Paris, dans une ambiance survoltée, explosive, où bagarres et arrestations seront nombreuses. Et ce sera le premier événement qui lancera véritablement le rock en France. Qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille là, mon vieux, elle est terrible. Et rien d'un peu, cette voiture, on la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire bon rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est plus de l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille, quand je pourrai me la payer content. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote est baissée sans trop nous presser. Nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyant passer diront mais d'ici. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. peaux drôlées en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille Citron et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les poches à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse rien qu'une fois, je dirais certainement en parlant de moi, y'a pas à dire ce gars-là, waouh, il est terrible. Ah, il était vraiment terrible, notre Johnny. Et à cette époque, le marché du disque était dominé par les vinyles 25 cm et la publication d'un 33 tours 30 cm, comme on a pu le connaître par la suite, témoignait à l'époque de la notoriété d'un artiste. Et c'est ainsi qu'Hallyday voit confirmer son récent statut de vedette avec la sortie de son tout premier album, Nous les gars, nous les filles, malgré un profond désaccord qui oppose Vogue et les chanteurs. Le chanteur d'ailleurs qui finira par signer dans une autre firme, à savoir Philips. Mais désormais, Johnny n'est plus le seul en France sur le marché du rock. Dans son sillage suit la bande du Golf Drouot, une boîte où le barman Henri Leproux a fait débuter dans une kyrielle d'artistes dans ses tremplins de nombreux rockers parisiens. En janvier 1961 sont ainsi lancées les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell, qui, pour rappel, les quittera en 1965 après avoir enregistré des tubes comme Bebop, Lula, Dactylo Rock, Sois Bon ou encore Daniela, devenant par la suite l'ambassadeur du rhythm and blues et de la country en France. Well, Bebop, Lula, baby. Bebop, Lula, toi, ma douce amie. Bebop, Lula, où donc es-tu parti? Bebop, Lula, sans toi, je m'ennuie. Bebop, Lula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. On s'est aimé une nuit. Te souviens-tu, nos mille folies? Mais sa bonheur, c'était trop beau. Il a fini dans un sangle. Bebop, Lula, baby. Bebop, Lula, où donc es-tu parti? Bebop, Lula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. Yeah! Je t'espère le jour et la nuit. Je suis plus tendre qu'un agneau, car j'ai compris et je t'aime trop. Oh, Bebop, Lula, baby. Bebop, Lula, où donc es-tu parti? Bebop, Lula, si, je m'ennuie, si, je m'ennuie. Bebop, Lula, baby. Bebop, Lula, toi, ma douce amie. Bebop, Lula, tu me reviens chérie. Bebop, Lula, tu me le souris. Bebop, Lula, si, ma baby, si, ma baby, yeah, yeah. Ma baby, oh, ma baby, ma baby, ma baby, ma baby, yeah. On y va pour Dactylo Rock? Ouais. Alors attention les gars, 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les tigri-tigri-di, dactylo, aura tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Bebop, Lula, Bebop, Lula. Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylo, aura tigri-tigri-di, dactylo, aura tigri-tigri-di. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Bebop, Lula, Bebop, Lula. Dans tous les bureaux de bas en haut, les dactylos tapent go-go et leurs patrons leur disent go-go. Go, yeah. Elles sont douces et très jolies, ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylos, digri-digri-di, dactylos, digri-digri-di. Pour faire leur bouquette, les directeurs passent pour la tête. Elles valent bien ça, elles valent bien ça. Tous les bureaux de bras en haut, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Go! Yeah! Monsieur le directeur,

Daniela, les chaussettes noires, et auparavant, il nous interprétait Eddie, sois bon, et ainsi que Dactylo Rock et Bipapalula, quatre titres emblématiques de la formation. Et dans la foulée de Johnny, il y aura aussi des artistes comme Danny Logan et ses pirates, que l'on va retrouver avec Je bois du lait, les vautours. J'espère que vous buvez aussi du petit lait à écouter comme ça les sonorités rock'n'roll proposées ce matin dans le cadre de l'émission Living in the Past, et à l'occasion malheureusement du décès en mémoire de Johnny Hallyday. Il y avait aussi les vautours de Vic Lawrence, avec Tu peins ton visage, et enfin Vince Taylor et Shaking All Over. Faux américain mais véritable anglais, le sauvage Vince Taylor, accompagné de ses playboys, reprendra ce titre Shaking All Over, un titre créé par l'anglais Johnny King. C'est 95 FM. Me dis tant qu'il fait, soleil ou bien la pluie, ne change pas mon humeur, la joie est dans mon cœur. Et si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas, oh, ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment, ça choque un gars qui chante du rock et puis qui boit du lait. Que moi, tout et tout le lait que je bois me donne le teint frais. Toujours avoir les clés, il n'y a pas d'autre de secret. Que moi, buvez du lait. Oh, que moi, buvez du lait. Chérie, oh chérie, comme tu as changé. Avec du noir, du rouge, du bleu, sur tes joues, tes lèvres, tes yeux, tu as l'air d'une cannibale, et non pas d'une fille que j'emmène au bal. Du pain, du pain, ton visage, du pain, du pain, ton image, tu confonds l'Afrique et Nanterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poulet de crème. Du pain, ton visage du pain, quel dommage, c'est d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du cadre. Yeah! Il te manque plus en fait quelques plumes sur la tête. Tu pourrais même y ajouter un paille autour des reins, un anneau dans les. Du pain, ton visage, du pain, ton image, tu confonds l'Afrique et Nanterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Du pain, ton visage, du pain, quel dommage, hâte-toi de revenir, la fille de la guerre dans j'ai souvenir. Du pain, wow, wow, du pain, oh, oh, du pain, yeah, yeah, du pain. Ambiance 60s, wow, wow. Rock'n'roll ce matin sur les ondes d'RQC dans le cadre de l'émission Living in the Past. J'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à réécouter des titres qui peut-être vous rappellent des souvenirs de votre existence, de votre jeunesse ou de votre adolescence. Et arrêtons-nous maintenant un instant sur la personnalité et la carrière de Vince Taylor. Il était, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de nationalité anglaise, mais contrairement à Johnny Hallyday, il avait vécu de très nombreuses années avant d'émigrer en France. Il fera un temps de l'ombre à Johnny Hallyday. Lui aussi fut très influencé par Elvis Presley et Gene Vincent, et il ne connaîtra finalement le succès qu'en France. Toujours habillé de cuir noir, ce symbole sexuel du rock'n'roll a suscité nombre de bagarres et émeutes lors de ses apparitions. Lui et son groupe les Playboys ont longtemps été considérés comme des initiateurs par bon nombre de musiciens français. Mais après avoir connu un succès massif, aussi massif qu'éphémère, il sera incapable de rebondir et de rester au premier plan, contrairement à Johnny Hallyday. Il était de plus très fragile sur le plan mental, et tout au long de sa carrière, il traînera malgré lui une réputation de maudit. Son parcours a d'ailleurs en partie inspiré David Bowie et le personnage de Ziggy Stardust, et le rocker devenu fou. À l'instar des vautours, des pirates, de Vince Taylor, d'autres formations ou artistes suivront également le sillage de Johnny. Citons notamment Long Chris et Ced Dalton, Moustique, Frank Alamo ou encore Lucky Blondo. Retrouvons tout d'abord Moustique et une adaptation d'un titre rock mythique, Good Golly Miss Molly. Good girl, Miss Molly. je deviens vraiment cinglé du rock'n'roll, je suis drogué. Oh, good girl, Miss Molly, sure, I suppose. Baby, rock'n'roll, yeah, can and your mom go. Lazy, come on, yeah. Come on, baby. Oh, yeah. Bondo, Chela. Jolie petite Chela, c'est toi qui as pris mon cœur. Je disais que l'amour ne durait jamais lorsque je t'ai rencontré. Jolie petite Chela, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir l'avouer. Avant toi, je ne vivais pas, oh, oh, oh, oh, oh, et j'étais triste à mourir.

À cette époque, nous étions amoureux de la même personne, Sylvie. Bien qu'ayant été très amoureux de Sylvie, je ne me suis jamais vraiment fâché avec Johnny. De toute façon, je savais que pour moi, la cause était perdue. Et l'on connaît la suite. La suite pour Johnny, c'est le mariage avec Sylvie. Quant à Jean-Jacques Debout, il se tombera amoureux de Chantal Goya. Autour de Johnny, c'est le 22 juin 1963, à l'occasion du premier anniversaire du magazine Salut les copains, c'est à cette date-là que le rock'n'roll français triomphera définitivement et véritablement à la place de la nation. Ce jour-là, en effet, 150 000 fans déchaînés feront un triomphe à leurs idoles et la presse affolée parlera d'émeutes, de viols imaginaires, bien sûr. Et frappé par l'événement, même le général de Gaulle encouragera cette jeunesse débordante de vitalité à employer son énergie à construire des routes. Certains affirmeront que ce rassemblement massif préfigurait en fait la révolte d'une jeunesse qui se traduira quelques années plus tard par mai 68. Et pour clôturer cette séquence, le rock made in France, quoi de mieux qu'un titre de Johnny Hallyday, vous avez reconnu Dadou Ron Ron dans la version du Palais des Sports en 1976. Cette chanson, Dadou Ron Ron, est en fait l'adaptation française d'un titre américain interprété par The Crystals. Et quant à l'événement, le concert anniversaire de Salut les copains, le quotidien Le Monde le 6 juillet publiera un long article du sociologue Edgar Morin dans lequel l'auteur inventera et sacralisera l'expression « yéyé » qui s'impose de facto pour qualifier cette génération et ses idoles en raison des nombreuses onomatopées qui parsèment leurs chansons comme dans ce « Dadou Ron Ron ». De Nomatepe, il en sera aussi question avec le nouveau succès de Johnny Dadou Ron Ron, son premier à rester 8 semaines numéro 1 dans le hit parade. Mais l'histoire des yéyés, ce sera pour la semaine prochaine. Il est en effet 10h12 et on enchaîne maintenant avec notre séquence culte, notre séquence consacrée à la musique progressive. Aujourd'hui, nous continuons, c'est le deuxième épisode de l'exploration de la carrière d'un groupe superbe baptisé Marie Lyon et qu'on l'on retrouve ici en 1989 avec The Space, après ce petit message. Living in the past. Mad in rap. Staring La semaine dernière, nous avons quitté le groupe Marillion, dont nous avions évoqué la première partie de la carrière. Et nous nous étions séparés avec le départ de son chanteur, Fish. Et Fish parti, le groupe ne perdra pas son temps et auditionnera très vite des nouveaux chanteurs pour le remplacer. Et c'est ainsi que dès janvier 1989, Steve Hogarth sera engagé. Celui-ci a été transféré du groupe Europeans et il est tout à fait à l'opposé de Fish, hein, avec son look new wave et sa voix suave. Dans un premier temps, le groupe prendra le risque de se mettre ses fans à dos, mais il les rassurera très vite avec cet album Season's End, proche musicalement d'un album précédent, hein, de l'album Clutching qui sortait en octobre. Dans la foulée, le groupe repartira en tournée qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'en janvier 1990. Et avec Steve Hogarth, Marillion va créer des pièces à la surprenante intensité dramatique et surtout d'une grande densité émotionnelle, comme ce titre que nous venons d'écouter, The Space, qui figure bien sur cet album Season's End, paru en 1989. Ce sera pareil avec Afraid of Sunlight ou King, des titres que nous retrouvons maintenant et qui figurent sur l'album du même nom, paru en 1995. Everybody knows we live in a world, but they give bad names to beautiful things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. People laughing behind their hands while the fragile and the sensitive are given no chance. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Strong enough to be, feel the fame. Yeah. message of love. They arrive every day. People you touch, wasting away. People you don't. Nous étions à l'instant avec deux extraits de l'album de 1995 intitulé Afraid of Sunlight du groupe Marillion, dont on évoque ici ce matin dans le cadre de notre émission Living in the Past la deuxième période, la deuxième partie de sa carrière. Mais revenons un peu en arrière, retrouvons-nous en juillet 1991 et la sortie de l'album le plus controversé de leur carrière, Holidays in Eden, qui sort. Et malgré un succès relatif, celui-ci ne convaincra pas les fans déçus d'une telle orientation musicale depuis l'engagement de Steve à Hogarth. Et le groupe va alors complètement disparaître de la circulation. Il va prendre son temps pour réaliser Brave, un concept album, peut-être d'ailleurs l'œuvre la plus ambitieuse du groupe et qui est centrée sur l'histoire d'une jeune fille amnésique retrouvée errante sur un pont. On en retrouve ici un extrait, The Hollow Man. As I shine on the outside more these days, I can feel the outside feeding on my inside. Leaves are growing darkness in its place. I think I have become one of the hollow men. listen to the breeze, the hollow and the lonely listen to see if the air for something we can use. Et l'enregistrement de cet album Brave s'étalonnera sur la majeure partie de l'année 1993 pour paraître finalement en février 1994. Et par rapport à son prédécesseur, ce sera une réussite. En 1994, en effet, il se hissera à la 10e place des classements au Royaume-Uni et il prouve que Marillion est l'une des rares formations à l'époque capable de pratiquer avec un certain succès une musique ambitieuse, humaine et surtout touchante. Et si une majorité du public l'accueillera positivement, certains, par contre, le considéreront comme trop sombre. Dans la foulée de la sortie de cet album, une nouvelle tournée démarra, mais hélas pour le groupe, ce ne sera pas ou plus le triomphe attendu. À la suite de cette tournée, le groupe enchaînera immédiatement avec l'enregistrement d'un autre album en 1995, un nouveau disque intitulé Afraid of Sunlight, dont nous avons déjà écouté deux extraits. Il s'agit là encore d'un album concept autour d'une même trame narrative. D'une même trame thématique, celle des dangers du succès, ironie peut-être involontaire en cette période où le groupe amorce une lente mais nette descente dans son succès commercial. Et le groupe y affirme surtout son intention de ne pas se laisser enfermer dans une catégorie musicale quelconque, intention qui sera plus nettement affirmée dans les albums suivants. Et malgré ses grandes qualités et de bonnes critiques, le disque entrera même au palmarès des 50 meilleurs albums de l'année 1995 pour le très branché magazine Q. Eh bien, cet album Afraid of Sunlight, peu promu par la firme de disques EMI, sera un nouvel échec commercial et marquera le début de la baisse inexorable de la popularité de Marillion auprès de son public. On en est donc, cet album ne convaincra pas plus que ses prédécesseurs. On en écoute un extrait. Voici la chanson titre Afraid of Sunlight. On sort moins 20 sur les ondes d'RQC. Drive the road to your surrender. Time comes around out of my hands. Small boat on the beach at dead of night. Come and go before first light. First light. Leave me running in the wheel. King of the I'm so long. I can't even say what hurts anymore. I will leave you alone. I will deny. I will leave you to bleed. I will leave you with your life. So how do we both come to be afraid of some lies? Tell me, girl, why you and me are scared of some light. All your spirit rack of pieces come to haunt you back by day. All your bills and tired excuses given time give you. Et c'est avec cette chanson-titre extraite de l'album Afraid of Sunlight de 1995 que s'achève ce deuxième épisode de l'évocation de la carrière de ce groupe emblématique du courant néo-progressiste. J'ai cité Marillion et Living in the Past, c'est ça, c'est la diversité des genres. Ce matin, nous avons débuté de manière tonitruante par l'évocation des débuts du rock'n'roll en France et du début de la carrière de Johnny. On est passé ensuite à la musique progressive avec Marie-Lyon. Voici maintenant notre troisième rubrique, l'album du jour, consacré aujourd'hui à Gary Moore et son album de 1990, Still Got the Blues. On sera bien entendu dans une atmosphère blues pour terminer l'émission à 10h47. On entame maintenant l'évocation de cet album. Living in the Past, l'album du jour. Thank you. disparu en 2011 à 58 ans, Gary Moore nous a laissé de splendides morceaux de blues comme cette chanson-titre extraite de l'album Still Got the Blues de 1990. Cet album est sorti en mars 1990 et il a marqué un tournant phénoménal dans la carrière du guitariste irlandais. En 1989, en effet, il voulait retrouver un nouveau souffle après 20 ans de carrière. À 38 ans, ce guitariste de hard rock réputé décidait de retourner aux sources du blues, celui des Blues Breakers de John Mayall qu'il avait découvert alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. Et à ce propos, il dira « Le blues, c'est l'endroit où l'on peut trouver la vérité dans la musique ». Et sur cette plage titulaire de Still Got the Blues, il s'accompagnait d'Andy Pyle à la basse et de Don Airey au clavier. Et comme sur d'autres titres de l'album, Gary Moore avait ajouté le piano de l'incontournable Nicky Hopkins et la batterie de Graham Walker. Mais sur d'autres titres, il accueillera aussi des stars comme les guitaristes blues américains Albert Collins et Albert King pour notamment la reprise de Pretty Woman. Oh, pretty woman, shows the rising sun. Skin alone, pretty woman. C'était A Pretty Woman à quasiment 11h. Nous sommes en votre compagnie depuis 9h du matin pour ce nouveau numéro de votre émission fétiche Living in the Past. Et on passe en revue l'album de Gary Moore, Still Got the Blues. Et j'étais occupé de dire tout à l'heure que pour la circonstance, il avait invité des musiciens prestigieux de blues, dont Albert King, dont Gary Moore était très admiratif. Et d'ailleurs, il écrira même une chanson en son honneur qui figure sur cet album. Cette chanson s'intitule King of the Blues. Et il est fait allusion dans cette chanson à Lucy. Et qui est Lucy ? Bien, tout simplement la guitare préférée du musicien. Mississippi, 1924. Un prodigieux titre que ce King of the Blues, consacré à un des rois du blues, Albert King. Dans la même veine, on savait George Harrison, fort proche de Gary Moore. Il était d'ailleurs son voisin, puisqu'ils habitaient ensemble le même quartier d'Henley-on-Thames. Et George Harrison, l'ex-Beatle, offrira à Gary Moore une de ses compositions originales, That Kind of Woman, et participera même au chœur. En échange, au début de 1990, George Harrison invitera à son tour son ami à interpréter un solo de guitare sur un titre de son supergroupe, les Traveling Wilburys. Mais en attendant, voici ce That Kind of Woman. That kind of woman. Oh, That Kind of Woman, quelle sorte de femme, qui, un titre qui figure sur l'album de Gary Moore de 1990, Still Got the Blues, que nous revisitons aujourd'hui. Et avec un de ses musiciens, Andy Pale, Gary Moore a commencé à enregistrer les maquettes dans le studio Woodcray Manor, une grange aménagée à deux pas de chez lui. Et de novembre à décembre 1989, les enregistrements se poursuivront dans différents studios. Le but était de donner à l'album un feeling de spontanéité, d'immédiateté, en travaillant de manière disciplinée en quelques semaine de prise. Et pour la circonstance, Gary Moore a enregistré sa voix avec un micro directement branché sur la table de mixage, ce qui, ma foi, donne à un son plus live. Quant à l'album, il se clôture sur une pure merveille, Midnight Blue. Moore y joue sur la mythique Gibson LePaul que son ami Peter Green, le membre fondateur de Fleetwood Mac, lui avait vendu un jour. It's the darkest hour of the dark. Night. It's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight. Shadows fall. As the light Morceau véritablement sublime, Midnight Blues, toujours extrait de l'album de Gary Moore de 1990, Still Got the Blues. Et la pochette de cet album représente recto un jeune Gary Moore dans sa chambre s'exerçant à la guitare, un poster de Jimi Hendrix au mur. Et quant au verso, Gary Moore apparaît dans une chambre d'hôtel, dans la même pose, décédé éparpillé par terre, dont celui de John Mayall and the Blues Breakers, Her Heart Road, dont est extrait ce titre, So Many Roads. Yeah. standing here. John Mayall and the Blues Breakers en 1967 sur l'album A Heart Road. Il est exactement 11h22 sur les ondes d'RQC. J'espère que vous passez une excellente matinée en notre compagnie. En tous les cas, soyez remerciés de rester fidèles à RQC, la seule radio libre de la région de Moucron. On va terminer l'émission en roue libre avec quelques nouveautés, à commencer par un extrait du dernier album de Noel Gallagher's High Flying Birds, intitulé The Man Who Built the Moon. L'année 2017 aura d'ailleurs sans nul doute été placée sous le signe des Gallagher. Il y a Liam qui vient de sortir également un album. Je vous en présenterai probablement l'un ou l'autre exprès lors de prochaines émissions. Et après leur implication dans le soutien aux victimes des événements de Manchester, d'inévitables dérapages médias, des tournées européennes, voici le temps de nouveaux morceaux, à commencer par ce titre « Who Built the Moon » sur lequel on n'attendait pas Noel Gallagher avec des riffs perchés comme sur un single des Pixies. Voici « Who Built the Moon ». We'll be right back. Living in the Past. De la pop en stock. Quasiment de clôturer la fin de notre émission du jour Living in the Past avec un extrait du groupe Hootie and the Blowfish, extrait, c'était Anna Jane, extrait de leur premier album sous le prestigieux label Atlantic Records, et on peut dire que ce disque fut un gros carton à l'époque en 1994, puisque cet album intitulé Cracker Tree View est encore aujourd'hui le premier album d'un artiste le plus vendu de l'histoire aux États-Unis, à égalité avec Jagged Little Pill d'Alanis Morissette, avec 16 millions d'unités vendues. Et cet album a donc été à la fois pour le groupe celui de la révélation, mais aussi de la consécration, avec pas moins de 4 singles, tous numéro 1, dont cette Anna Jane. Leur musique, certes, n'a rien d'exceptionnel en soi, mais le génie du groupe, c'est d'avoir su créer une pop-rock actuelle avec une touche de rock folk traditionnel auquel les Américains sont finalement très attachés. Voilà, il est exactement maintenant 11h33, l'heure est venue de nous séparer avec un tout dernier morceau. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine, soyez bien prudents sur la route, car on me dit qu'il a fortement neigé, donc on va retourner à la maison au ralenti. Et je vous souhaite le meilleur pour la semaine à venir. Je vous indique d'ores et déjà que comme Noël et Nouvel An tombent un lundi, et que ce sont les vacances de Noël, ce sera relâche pendant 15 jours. Je vous souhaite de nous retrouver, enfin je souhaite pouvoir vous retrouver quand même dès lundi prochain, lundi 18 décembre, même heure, 9h, même jour, le lundi matin, pour un nouveau numéro de Living in the Past. Je vous ai déjà annoncé qu'on continuerait notre évocation du rock'n'roll, de l'introduction du rock'n'roll français avec le courant des yéyés et ainsi que la troisième partie de l'évocation de l'histoire du groupe de musique néo-progressive Marie Lyon. Voilà, on se quitte avec quasi-nouveauté Electric Light Orchestra qui reprend dans son album Live at Wembley Stadium un de ses super succès, à savoir Telephone Line. Hello. How are you? Have you been alright through all those lonely, lonely, lonely, lonely nights? That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Hey, how you feel? You're still the same. Don't you realize the things we did, we did, are for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of you. Living in the Past. Le meilleur du classique. Living